Chez moi la nuit, chez moi le prisonnier qui pleure sa vie. Et quelquefois je pense quand je m'endors dans tes bras. Ouh, par la chance à toi. Je vois des blessures jamais guéries. Je vois le vagabond qui dort sous la pluie. Et quelquefois je pense quand je m'endors dans tes bras. Qui boit pour une double fois.